بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أقيم الصلاة. الله يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، الله عز وجل يمطر لقمان الحكيم إلى أردني هنا أمر أن أردر Il a ordonné à son fils de faire as-salah, la prière. On en a parlé longuement de la prière. Et il lui a ordonné aussi al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et il a dit avant cela ya bunay. Donc il ordonne à son fils qui est un jeune enfant. On est d'accord. Donc que dire des personnes adultes? Donc a fortiori ceci est valable pour les personnes adultes. Donc ici, il ordonne à son enfant qui est très jeune d'ordonner le convenable. Et on a dit al-ma'ruf, c'est tout ce que Allah al-ma'ruf, hadak Allah al-ma'ruf, tout ce que Allah, tout ce que Allah et son messager alayhi salatu wassalam ont ordonné, recommandé de faire. Wa ma al-munkar, al-munkar, tout ce que Allah azza wa jalla et son messager, alayhi salatu wassalam, ont interdit de faire. Hada wa al-ma'ruf wa hada wa al-munkar. Et al-amru bil-ma'ruf wa nahi anil munkar, ici, c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala dans beaucoup de versets coraniques. Dans beaucoup de versets coraniques. À titre d'exemple, Allah il parle de da'wa. Et al-da'wa, c'est englobé par al-amru bil-ma'ruf wa nahi anil munkar. Ud'u ila sabili rabbika. Appelle au sentier de ton Seigneur. Et il a montré comment, بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ الْآيَةِ. Donc avec, ici, bonne exhortation. Avec, avant cela, sagesse, بِالْحِكْمَةِ. Avec la sagesse et la bonne exhortation. Et on a dit que الْأَمْرُ بِالْمَعْرُفُ وَنَهِي عَنِ الْمُنْكَرِ englobe ce qu'on appelle الدَّعْوَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. D'accord? Ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire appeler les gens vers Allah azza wa jal. Donc ici, c'est un ordre de la part de Luqman al-Hakim à son fils. Donc de là, on sait que nous, on doit ordonner, et toujours quand on dit ordonner, ça ne veut pas dire imposer avec force, avec brutalité, avec dureté, avec abadan. On ne travaille pas qu'avec un texte. Donc on doit ordonner quand même à nos enfants d'ordonner le bien et d'interdire le mal, d'ordonner le convenable et d'interdire ici ce qui est répréhensible dès leur plus jeune âge. Je ne dis pas il est trop jeune, il est trop petit. Un enfant, tu peux lui faire comprendre à l'âge de 3 ans, de 4 ans, qu'une chose est haram. C'est très simple. À 3 ans, il va comprendre. Tu vas lui dire ça, c'est haram. Il va entendre de la musique. La musique, c'est haram. Tu peux lui apprendre en lui disant, quand tu entends de la musique, tu dis c'est haram. Il va se rendre chez quelqu'un de ta famille, par exemple. Il va entendre de la musique. Il va déjà grandir avec cette habitude de quoi? D'être un prédicateur ou une prédicatrice. Il va entendre la musique. Il va dire, ah, al-musiqa haram. La musique, c'est haram. Khlas. Il grandit avec le fait d'apprendre ce qui est, qui fait partie de al-ma'ruf, d'apprendre ce qui fait partie d'al-munkar, et de le transmettre. Ah, de le transmettre. C'est ça? Ad-da'watullah azza wa jalla. C'est pas tu gardes égoïsement, et de façon égoïste pour toi les choses, mais tu transmets. Ah, il faut transmettre. Et le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, et c'est un ordre, balliru anni walaw aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Bien sûr, à partir du moment où tu as bien compris le verset, tu as bien saisi le verset, tu le transmets comme il se doit et de la manière qu'il se doit. D'accord? On rentre pas dans un excès en disant, ah, il faut être un sage pour faire da'wa, et un autre excès en disant, khalas, t'as pris un verset coranique, même si tu le comprends pas, même si tu le saisis pas, même si tu sais pas comment le transmettre, tu transmets. Abadan. Wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata. C'est ainsi, on a fait de vous le comité de juste milieu. Tu dois comprendre le verset, saisir son sens, d'accord? Et savoir comment le transmettre au bon moment, vers la bonne personne, de la bonne manière, etc. Clair? Donc ici tu apprends à tes enfants comme Luqman a appris à son fils à faire ce qu'on appelle al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Clair? As-salah. D'accord? D'abord la prière, il pense à lui-même avant. D'accord? At'amuruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Est-ce que vous ordonnez aux gens de faire le bien et vous oubliez Vous-même, de regarder Luqman, il commence par quoi? D'abord lui, aqimis salat, pense à toi, aqimis salat. Ensuite, et ordonne le convenable et interdit le blâmable. Passe aux gens maintenant. Donc il faut pas brûler les étapes dans le da'wah. Parler, mais s'oublier soi-même. Allah Azza wa Jalla, il a interdit de s'oublier soi-même. Il a interdit d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala, d'oublier le rappel d'Allah Azza wa Jalla dans plusieurs versets coraniques. Donc c'est pour ça que nous, on se doit de penser à nous et penser aux autres aussi. On ne pense pas qu'à nous-mêmes et on ne pense pas que aux autres aussi. Et al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ici se fait avec des règles. Wa lidhalik naqul na'muru bil ma'ruf bima'ruf wa nanha 'anil munkar bil munkar aw bi munkar بغير منكر. Ça veut dire qu'on ordonne le bien, le convenable, avec le convenable. نأمر بالمعروف بمعروف. وننهى عن المنكر بغير منكر. On interdit le répréhensible sans agir avec ce qui est répréhensible. Et ça, c'est une règle. Ça ne suffit pas d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Mais tu ordonnes le convenable d'une façon qui est convenable, avec le convenable. Et tu interdis le blâmable sans utiliser une façon qui est blâmable. Et tu n'interdis pas le blâmable en faisant toi-même quelque chose de blâmable. Ça c'est une règle, attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encadrés par le verset coranique « Ul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala » Voulez-vous que je vous indique ou qu'on vous indique qui sont les plus grands perdants en œuvre ?« Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya » Ce dont leurs œuvres, leurs efforts dans la vie d'ici-bas se sont égarés. Ils ont fait des efforts, mais ils se sont égarés. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum. Et eux, yahsabuna, ils pensent, annahum yuhsinuna sun'a, qu'ils font le bien. Parce qu'ils pensaient faire le bien. Leur intention était bonne. D'accord? Al-niyatu salih, alhamdulillah. Walakin hadha la yakfi. D'accord? Allah Azza wa Jalla, pour qu'il accepte de toi une action, c'est connu, il faut deux conditions. Al-niyya et quoi? Il faut que ça soit al-mutaba'a. Lihadihi alayhi salatu wa salam. Ça soit conforme à quoi? À la sunnah du prophète alayhi salatu wa salam. Tu dis j'ai une bonne intention de faire da'wah. Khalas. Tu fais da'wah, mais d'une manière que le prophète n'a pas fait. Ça ne suffit pas. D'accord? Ça ne suffit pas. Tu fais da'wah comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a fait. Et pour ça, il faut connaître la moindre des choses, la sira du prophète alayhi salatu wa salam. Savoir comment il a réagi dans plusieurs façons, dans plusieurs situations différentes. Car le prophète alayhi salatu wa salam était une personne sage. Et Allah Azza wa Jalla a fait l'éloge des gens sages et il dit يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui il a été donné la sagesse, certes, il lui a été donné un grand bien. Et Allah Azza wa Jalla nous a montré que c'était impératif de parler avec sagesse et particulièrement quand on fait الدعوة إلى الله أدعو إلى سبيل ربك, appelle au sentier de ton Seigneur. Il dit le comment. بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِضَةِ الْحَسَنَةِ avec sagesse. C'est un ordre, avec sagesse. Sinon ta da'wah ne fonctionnera pas. Parce que si tu places les paroles dans un endroit où il ne faut pas, ça fera peut-être, et dans beaucoup de cas même, et sois sûr de cela, plus de mal et de désastre que de bien. Ton intention était bonne, mais ta manière elle était mauvaise. Donc nous disons, il y a besoin de l'intention, et il y a besoin aussi de savoir comment le prophète alayhi salatu wassalam a exécuté cet acte d'adoration qui est quoi? Ad-da'watu ilallah azza wa jal. Donc c'est pour ça que nous disons, on ordonne le convenable avec le convenable. Et d'une manière convenable. Et on interdit le blâmable d'une manière qui n'est pas blâmable et sans faire de mal, sans faire de choses répréhensibles, sans faire de choses mauvaises et sans causer des désastres. Là, à ce moment-là, tu es sur la vérité de idnillahi azza wa jal. Donc ici, ad-da'watu ilallah, al-amru bil ma'ruf si tu veux, wa nahi anil munkar. C'est obligatoire selon ses capacités, selon sa science, bien sûr, sa compréhension, son application, etc. Mais ça, c'est obligatoire pour les hommes et pour les femmes. Et vous vous souvenez du dernier sermon qu'on a fait sur la femme? On a rappelé l'importance de la femme en disant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait pu simplement dire que les croyants, d'accord, ils ordonnent le convenable, ils interdisent le blâmable, ils font la prière, ils s'acquittent de zakat, ils croient en Allah, ils croient en son messager. Et ça englobe automatiquement les femmes. Voilà qu'Allah Azza wa Jalla donne l'importance à la femme et il met l'accent sur le fait que la femme est concernée aussi. Il dit wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. C'est pas la femme elle reste à la cuisine et elle fait le ménage, elle obéit à son mari, ça suffit. C'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Walakin, elle a un rôle aussi dans la société. C'est-à-dire, al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. C'est une obligation pour elle aussi, selon ses capacités. Donc ici, elle a un rôle aussi. On dit pas, toi, tu n'as rien à faire. Toi, tu restes que à la cuisine, et tu restes que à la maison, et toi, tu ne parles à personne, et tu n'interdis jamais le mal, tu ordonnes jamais le bien, et tu t'occupes de ton mari, c'est tout. D'accord? Nous disons, elle a un rôle aussi. Allah dit dans le Coran al-Karim, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ. Ah, ils sont alliés les uns des autres. Ils s'entraînent. Ils se soutiennent. Ils s'épaulent les uns aux autres. Et qu'est-ce qu'ils font? بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. Allah Azza wa Jalla commence par quoi? يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ tout cela, les hommes et les femmes, les croyants et les croyantes. سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ, Allah leur fera miséricorde. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Allah, il commence par quoi? Ils ordonnent le convenable, ils interdisent le blâmable. Ah, ils accomplissent la prière, la zakat, ils obéissent à Allah Azza wa Jal et à son messager. Cela, Allah leur fera miséricorde. Donc ça concerne les hommes et les femmes. Tout le monde est concerné par ce sujet. Donc nous disons, quand nous disons tout le monde, c'est qui? Les hommes et les femmes, les personnes âgées et les enfants. Ya bunay, aqimis salat. Ensuite, wa'mur bil ma'ruf. Donc ici, ça concerne vraiment tout le monde. Ça concerne les âgés, les personnes âgées. Et les enfants, les femmes et les hommes. Et ceci a été décrit dans le Coran al-Karim et dans la sunna authentique du prophète alayhi salatu wassalam. Allah a parlé des hommes, il a parlé des enfants, ya bunay, il a parlé des femmes et il a parlé des hommes. Regardez comment ça a été détaillé pour montrer l'importance de quoi? Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Regardez ça, il faut bien comprendre l'importance. Et pour comprendre l'importance du fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, il faut bien comprendre comment Allah Azza wa Jal en a parlé dans le Coran et ainsi que son messager alayhi salatu wassalam. Et haqiqatan yakfi an udhakkirukum bi hadhihi al-aya. Qala subhanahu wa ta'ala: "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah وعمل الصالحة وقال إنني من المسلمين." Et ça suffit juste de dire normalement, ici, quelque part ça suffit, ici de dire qu'Allah Azza wa Jal a montré l'importance du fait d'appeler au bien, du fait de dire des bonnes paroles, d'appeler les gens à la religion d'Allah Azza wa Jal, et dit, qui prononce une meilleure parole, une plus belle parole, qui prononce, وَمَنْ أَحْسَنُ, qui est meilleur, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ, qui appelle Allah Azza wa Jal. Et qui prononce une meilleure parole que celui qui appelle à Allah Azza wa Jal. Qala al-ulama, les gens de science ont dit que la meilleure des choses que tu peux prononcer, c'est une chose qui a un rapport avec quoi? Al-da'watu ila Allah Azza wa Jal. C'est la meilleure des paroles. Et si tu es un da'i, un prédicateur, sache que tu fais partie des meilleures des personnes. Et pourquoi pas, alors que c'est le travail de qui? Muhammad alayhi afdalu salati wa askat taslim. Tu fais quoi comme travail? Comme mon papa. Quoi? Mécanicien. Tu fais quoi comme travail? Comme mon papa, docteur. Tu fais quoi? C'est une fierté quelque part. Tu fais quoi comme travail? Le travail de la meilleure des créatures sur la surface de la terre, ad-da'watu ila Allah. Quelle fierté meilleure que cela? Tu fais le travail du prophète Muhammad alayhi salam. Tu aimes bien plus que cela. Tu fais le travail d'Ibrahim. Tu fais le travail de Isa. Tu fais le travail de l'Anbiya, de Ar-Rusul. Et particulièrement Ar-Rusul, car eux, ils avaient l'ordre de transmettre, d'accord? D'après une description ou alors une définition de certains genres de sciences concernant Ar-Rusul, les envoyés. À la kulli hal, tu fais le travail des meilleurs, des créatures sur la surface de la terre. Et à leur tête, Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc nous disons que tu dois ordonner à tes enfants le fait d'ordonner le bien, d'interdire le mal, c'est tout, abadan, impossible. Tu ne pourras jamais ordonner à une personne d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable simplement sans qu'il se retrouve dans des situations où peut-être il va tout abandonner. Pourquoi? Ça ne suffit pas d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Ça ne suffit pas. Ça, c'est une chose. Mais il y a une deuxième chose qui vient après, et Allah en a parlé longuement, le prophète en a parlé longuement et dans les détails, comme on va le voir, bi'idnillah azza wa jal, et on va ici réunir plusieurs versets coraniques, d'accord, qui se réunissent dans le sens, dans le même sens. Vous allez voir. Donc ici, on reste dans l'amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Première étape, ordonner le convenable et interdire le blâmable. On a dit, khlas, on a compris. C'est tout ce que Allah et son messager ont ordonné. Ça, c'est le ma'ruf. Tout ce que Allah et son messager ont interdit, ça, c'est le munkar. Pour quelqu'un qui dit, oui, je veux faire ce travail-là, qui est le meilleur des travails, le travail du prophète, alayhi salatu wa sallam, mais c'est quoi le ma'ruf, c'est quoi le... Ça y est, on a décrit. Première étape. Deuxième étape, ici, on sait que c'est extrêmement important, non seulement pour les femmes, mais pour les hommes. Non seulement pour les hommes, mais pour les femmes. Non seulement pour les personnes âgées, mais, ya bunay, aqimis salat, wa amur bil ma'ruf. Même pour les enfants. Alors, on doit éduquer nos enfants dans quoi? Sur ce chemin qui est quoi? Le meilleur des travails que l'être humain puisse faire. C'est-à-dire, ad-da'watullah azza wa jalla. Car son ennemi, c'est qui? Le plus grand des ennemis. Le plus dur des ennemis. C'est qui? Shaitan. C'est Shaitan. Et Allah azza wa jalla, il dit, c'est un ennemi, prenez-le comme ennemi. Et tu es en train de combattre le plus grand des ennemis. C'est Shaitan. Les êtres humains qui peuvent te faire du mal. Et qui, quelquefois, tu vas dire, celui-là, c'est mon ennemi. Mais en général, ils sont influencés par qui? Par Shaitan, le plus grand des ennemis. Et le plus dangereux, c'est qui? Shaitan. Donc toi, tu combats le plus grand des ennemis. Ah. Toi, tu combats le plus grand des ennemis. Donc, de jour comme de nuit, on est dans un combat, dans un djihad. D'accord? Contre qui? Contre Shaitan. La'anahullah. De jour comme de nuit. Donc ici, tu es dans un combat. Tu combats. Contre qui? Contre Shaitan. Donc tu dois apprendre à ton fils, d'accord, depuis son plus jeune âge, à affronter comme il se doit et à combattre comme il se doit Iblis, Shaitan. C'est comme si tu disais à ton fils ou tu disais à ton enfant, ici, combat Shaitan. Apprends à combattre à Shaitan. Et ça, ce combat contre Shaitan, c'est jusqu'à akhir al-lahadhat, jusqu'au dernier instant. Te dis pas, bon maintenant, comme on avait déjà dit, j'ai 40 ans, place aux jeunes. J'ai 50 ans, place aux jeunes. هذا لا يجوز والدليل على ذلك قال سبحانه وتعالى وأمر أهلك أو واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Adore ton Seigneur jusqu'à quand? Allah est le monde. Jusqu'à ce que te vienne al-yaqin ay al-maut. Jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire al-maut. Donc il n'y a pas de répit. Tu vois, tu vas dire, ouais, 40 ans, je suis vieux. Subhanallah. 40 ans, le prophète, il a dit bismillah. Iqra. Le verset coranique est descendu sur le prophète alayhi salatu wasallam. Iqra. Lui, de ce jour-là jusqu'à sa mort, il n'a plus jamais goûté au repos. Alayhi abdalu salat wa skat taslim. Ali, il a dit bismillah. 40 ans, t'étais déjà fatigué. Oh, ça, j'en peux plus. Maintenant, je suis vieux. Je me fais vieux. Où t'es vieux, toi? Même si tu peux être vieux physiquement, mais ce qui nous importe, c'est quoi? C'est al-qalb, c'est al-iman. C'est quoi? C'est la piété, c'est taqwa. C'est ce qui nous importe. Wallahi, tu peux avoir 60 ans et être plus jeune. D'accord? Et être plus jeune qu'une personne qui a 20 ans. C'est-à-dire être plus jeune. Pas physiquement, mais de foi, d'énergie, de crainte d'Allah Azza wa Jal, de piété. Et c'est ce qui nous importe. Aime avoir un jeune qui a 20 ans ou 25 ans, qui ne fait ni de da'wa, qui n'arrive même pas à penser à lui-même, qui ne pense pas à sa famille, pour la religion, qui ne pense pas aux musulmans, qui ne pas... Mouskine, c'est lui le vieux. C'est lui qui est peut-être même très proche de la mort, si ce n'est mort. Ah, si ce n'est mort. Ad-dalil ala dhalik, le prophète alayhi sallam dit kama ja'a fi sahih. L'exemple de quoi? De celui qui évoque Allah Azza wa Jalla et celui qui ne l'évoque pas, et l'exemple est comme l'exemple de du vivant et du mort. Celui qui évoque Allah Azza wa Jalla, il est hay. Et celui alladhi la yadhkuru rabbah mayyit, comme قال عليه الصلاه والسلام. Il est mort, celui qui n'évoque pas Allah Azza wa Jalla. Donc ici, c'est pas question d'âge, mais c'est question de quoi? De piété, de iman, de conviction, de motivation, de crainte d'Allah Azza wa Jalla. Est-ce que tu penses vraiment à al-maut ou pas comme il se doit? Donc nous disons ici qu'on doit tous et toutes ordonner le convenable et interdire le blâmable. Mais il y a des manières. Il y a des manières. Ces manières, on avait dit, Allah il a dit déjà, avec sagesse et bonne exhortation. Mais pour la sagesse, il faut la ilm, il faut la science. Déjà quelqu'un il va dire, je veux avoir la sagesse. Parce qu'Allah il nous a ordonné d'ordonner le bien et d'interdire le mal avec sagesse. Donc moi je veux la sagesse. C'est quoi la sagesse? Allahu a'lam. Comment tu vas avoir la sagesse? Donc pour savoir c'est quoi la sagesse, il faut apprendre. Il faut de la science. Donc nous revenons. Il faut ordonner le bien et interdire le mal. Ou bien ordonner al-ma'ruf, le convenable, et interdire le répréhensible, le blâmable, avec ilm, avec science. D'accord? Ala basira. D'accord? Sur une clairvoyance claire. Donc ici nous disons avec science. Car sans science, tu vas t'égarer. Donc il faut de la science, l'ilm. Déjà, pour comprendre c'est quoi le hikmah. Et il faut de la science aussi pour transmettre les choses comme il se doit, avec une bonne compréhension, et ensuite avec hikmah, c'est-à-dire de la manière, au moment, d'accord, de la façon qu'il faut, envers la personne qu'il faut. On se met au niveau des gens. Avec ces règles-là, si on peut pas enlever un mal que, ou on peut enlever un mal que parce qu'il y a de plus mauvais, à ce moment-là, on n'interdit pas le mal. Mais on le reporte à plus tard. Donc tout ça, ça fait partie de l'hikmah. Donc il faut la science pour bien comprendre ce que tu as transmis, comprendre bien ce que tu as transmis, d'accord, pour pas faire n'importe quoi et transmettre un verset coranique qui a été abrogé, ou alors expliquer un verset coranique comme il ne le faut pas, etc. Et ici, il faut savoir, ça et tu l'as bien compris, mais comment tu vas le placer ce verset? Comment tu vas le placer ce hadith? Au bon moment, ici, de la bonne manière, envers la bonne personne, d'accord, tu t'adaptes à la personne. Est-ce que, ah, khlas, ce verset coranique, il va pas le comprendre, donc tu vas prendre un autre verset qui est plus simple pour lui, mais qui va dans le même sens. Vous avez vu, c'est tout un art. Ad-da'watu ilallah, c'est un art. Donc c'est pour ça que cet art-là, ayyuhal ahibba, il faut le comprendre et l'apprendre comme il se doit. Donc on a dit, on doit ordonner le mal, ordonner le convenable, afwan, interdire le mal, avec science et avec sagesse. D'accord? Avec science et avec sagesse. Clair? Et quand tu auras appris à ordonner le convenable et interdire le mal avec science et avec sagesse, tu auras compris qu'il faut le faire avec وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Allah Azza wa Jalla, il parle à qui? Au maître des prédicateurs, Muhammad alayhi salatu wa sallam. Et il dit avec cela, mais par contre, si tu étais rude avec le cœur dur, d'accord? Ici, il se serait enfui de ton entourage. Donc la preuve que quoi? Tu ne peux pas appeler les gens vers l'islam avec dureté. Tu ne peux pas. Et c'est pour ça que le prophète Aïssam disait, comme un sahih muslim, il dit, Inna Allah rafiq wa yuhibbu rifqa fil amri kulli. Allah est doux, indulgent, et il aime la douceur, la bienveillance, l'indulgence envers toute chose. Et dans Sahih Muslim, il n'y a pas une chose qui est accompagnée de rifq, de douceur, d'indulgence, de bienveillance, sans que Allah subhanahu wa ta'ala, illa zana, sans qu'Allah l'embellisse. Wa ma nuzi'a min shay'in illa shana. Et il n'a pas été enlevé rifq de quelque chose sans que cette chose soit enlaidie, wal iyadu billah. D'accord? Donc, quelquefois, monter de ton, quelquefois, être un peu dur, ça fait partie de la sagesse. Car le prophète Aïssam, quelquefois, il était un peu dur et montait de ton. D'accord? Donc ça, si quelqu'un n'a pas de science, il va pas comprendre les choses. Il va dire, il y a une contradiction. Non. D'accord? Comme on avait déjà expliqué, qui est bien? Châtie bien. D'accord? C'est le non-musulman qui dit. Ça veut pas dire que, oh là là, c'est des gens qui frappent, qui... Non. Ça, c'est une expression pour dire, quelquefois, quand la personne, il te fait du mal, quand il te parle, il te dit la vérité, même avec des paroles dures, ça fait mal, mais, ah, c'est une preuve qu'il t'aime bien. Quand toi, tu mets une tape à ton enfant sur sa main parce qu'il a fait une bêtise, pourtant tu l'as frappé. Voilà qui? C'est une preuve que tu l'aimes bien, parce que tu veux pas qu'il fasse des choses mauvaises, et tu veux qu'il soit bien éduqué. On est d'accord. Donc ici, ça ne veut pas dire que parce que quelquefois tu es dur envers une personne, que tu n'agis pas avec douceur. Mais ah, là, il faut bien comprendre. Quand le prophète agissait avec dureté, quand le prophète agissait avec douceur. Et si tu ne connais pas la vie du prophète, tu ne l'as pas étudié plutôt, dans les détails, tu ne pourras pas savoir comment réagir, de quelle manière, et à quel moment réagir. Clair? Donc on continue. Donc il faut cette science-là, il faut cette douceur-là, il faut la bonne compréhension, quand être plus dur, quand être doux. Et le principe de base, c'est qu'on doit être toujours doux, sauf exception, car la dureté, c'est des exceptions. Et ici, il faut aussi, yani, agir avec hikmah, avec sagesse. Clair. Et pour nous motiver aussi, toujours dans cette voie, al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, il s'est bien de regarder toujours al-fada'il, les mérites. Il est bien fait. D'accord? Ça motive toujours de savoir si tu fais ça, t'as telle récompense. Ah. Plus tu vois la récompense énorme, et plus t'as envie de faire la chose. D'accord? Donc c'est pour ça que nous disons, par exemple, quand tu sais que le prophète alayhi salatu wasalam a dit, à titre d'exemple, hein, pour montrer que il y a des choses dont on passe à côté, qu'on néglige, peut-être parce qu'on oublie, ou alors on ne sait pas quelles sont les récompenses. Mais quand on prend vraiment conscience des récompenses, alors on revient sur ces choses-là, d'accord, et on donne du temps à ces choses-là. Pourtant, qui ne demandent pas beaucoup de temps. À titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wasalam a dit, من قرأ سلكلي d'accord سورة الإخلاص ثلاث مرات سلكلي سورة الإخلاص 3 fois c'est quoi la récompense hein comme s'il avait lu tout le Coran un quart un tiers un demi il dit mieux hein la totalité du Coran al-Karim en plus rajoute zid ala dhalik بنى الله له بيتا في الجنة. À chaque fois que tu récites سورة الإخلاص. Alors, on le fait. بسم الله الرحمن الرحيم. Bon, la jama'a. Moi, je le fais. On va prendre. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Même pas 15 secondes. Regarde là, hein. Même pas 15 secondes. Quelqu'un dans un sermon, il a dit, subhanallah, à chaque fois, il fait une khutba, 30 minutes pile. Ni plus ni moins, on dirait, il y a une horloge devant lui. Il y a une horloge devant moi. Walakin, je regarde jamais le temps de l'horloge. Donc, je fais jamais attention, ça tombe comme ça, peut-être l'habitude ou voilà. Donc, entre parenthèses. Ici, je regarde 15 secondes, même pas 15 secondes. 15 secondes, la récompense. Récompense d'avoir lu le Coran al-Karim kamil. Tout entier. Et en plus, zid ala dhalik, Allah Azza wa Jalla te construit une demeure au paradis. 15 secondes. Subhanallah. Mais quand tu connais cette récompense, ah, là, tu dis, ah, maintenant, là, ça vaut le coup quand même. Ça vaut le coup ou pas? 15 secondes pour une maison au paradis. Et ici, la récompense d'avoir lu le Coran tout entier. Subhanallah. Tu dis à quelqu'un, écoute, tu me dis, tu fais 10 ponts. Ah, ça demande plus d'efforts. Et je te donne un petit cabanon de 3 mètres sur 2 mètres. Il est à toi avec le terrain. Il va faire quoi? 100 ponts. Il va pas s'arrêter, il va continuer jusqu'à ce que, ah là, je sors. Et t'as une maison où? Dans le meilleur des endroits qui est quoi? Al-Jannah, le paradis. D'accord? Walakin, ici, peut-être, on le sait. On l'a lu, on l'a entendu, mais Allah dit dans le Coran al-Karim, et rappelle, car le rappel profite à qui? Ah, pas à n'importe qui. Fadak, il s'y rappelle, car le rappel, il profite à quoi? Aux croyants. Ou plutôt à qui? Aux croyants. Donc Allah Azza wa Jalla nous rappelle que, on a besoin de rappel. Il nous rappelle, Allah, qu'on a besoin de rappel. Donc il ne faut jamais dire, et ça c'est une réponse à ceux qui disent, moi ça je connais. Moi j'ai pas besoin de ça. Même si tu vois une personne, qui apprend une chose de base dans la religion. D'accord, de base. Mais il la transmet comme il se doit avec science, à la basira, pas de ses passions, etc. Et ici, il, des choses de base, te dis pas, moi ça je connais. Assieds-toi et profite. Premièrement, déjà tu vas prendre ajr de quoi? Ah, al-malaika, il cherche ces choses que le prophète alayhi salatu wa sallam, ou c'est certes que le prophète alayhi salatu wa sallam a appelé quoi? Les jardins du paradis. T'es dans un jardin du paradis. Ou le prophète les a appelés les jardins du paradis. Deuxième des choses, les anges, qu'est-ce qu'ils font? Même, ils demandent pardon à Allah Azza wa Jal pour ces personnes, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils les encerclent, d'accord? De leurs ailes. Et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit? Tous, ils sont pardonnés. Déjà juste pour ça, c'est tout. Même si tu ne t'écoutes pas. Car le prophète Azza wa Jal, il y a Allah, il y a un ange qui dit, il y a Allah, il n'y a qu'Allah ici. Mais pour nous montrer l'importance et la valeur de ces rangs, il dit à une personne, il est venu, c'est même pas pour écouter. Rien, il est venu, il s'est assis, mais c'était pas son intention pour être. Même lui, khlas. Lui aussi, c'est vu ses péchés, pardonné. Subhanallah, tu t'assois, péché pardonné. Un aller-retour, tu sors de chez toi, tu viens jusque la mosquée pour apprendre une science. C'est quoi la récompense? C'est la récompense de quoi? D'un hajj. Hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Ça c'est un hajj? Un hajj continué? Non, abadan. Non, abadan. On n'envoyait pas les hadiths. Ah ben, Zid, et Allah, qui dit mieux encore? Un hajj avec le prophète, un hajj, qui a dit? Une umrah, quoi encore? Un hajj pieusement accompli. C'est-à-dire, c'est ikhlas. Un hajj agréé. Subhanallah. Et ça, c'est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani. Tu sors de chez toi pour aller à la mosquée pour, ah, regardez, le prophète, il motive à quoi? Ceux qui disent, ah, oh, moi, j'apprends chez moi. Le prophète, il veut que tu vas à la mosquée. Pour apprendre la science à la mosquée. Regardez le bienfait des mosquées, le masajid. Ahabbu al-biqa' ila Allah azza wa jalla masajiduha comme قال المصطفى عليه الصلاه والسلام. Mais les plus détestés des endroits sur la surface de la terre, c'est quoi? Al-aswaq, les marchés. Le prophète Hassan il te dit, non seulement tu as cette récompense, cette récompense, cette récompense, en plus, tu as la récompense d'un hajj. Tu as tes péchés pardonnés. Et en plus, tu vas apprendre. Et en plus, le rappel, Allah nous a rappelé qu'il fallait faire le rappel. On a toujours besoin de se rappeler. Même tu vas lire un hadith. 50 fois, 100 fois, peut-être au bout de la millième fois, ah, il va avoir vraiment un effet par la permission d'Allah Azza wa Jalla sur toi. Peut-être tu vas l'oublier, ah, ça va te remémorer. Ah, bah tiens, là par exemple, je le connaissais ce hadith-là, sur Surat Ikhlas, mais là, c'est vrai, j'avais négligé. Ah, il m'a fait un rappel, tu vas dire, Au moins, je pense que la majeure partie d'entre vous, ils vont dire au moins trois fois réciter surat al-ikhlas ce soir. Au moins pour prendre au moins une fois. Ils vont dire au moins si j'oublie demain, ben, là, je l'ai fait ce soir. Le rappel, on a besoin du rappel. D'accord? Et c'est pour ça qu'on a besoin de prédicateurs qui nous font des rappels. Donc ne dites pas comme certains égarés, ici qui disent, non, non, regarde que le kibar. Comme il a dit Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Baz? J'ai déjà dit plusieurs fois cette parole. Ceux qui disent ça, ce sont des gens égarés. Car ils privent les gens du bien. Cheikh Ibn Baz, ceux qui disent, non, moi je regarde que les grands savants. J'écoute que les grands savants. Ils disent, ceux qui disent ça, ils se sont certes égarés. Car ils privent les gens des gens de bien. C'est-à-dire, ad-du'a, les prédicateurs. Et Allah Azza wa Jalla, ce qu'il a dit, il y a que des grands prédicateurs, des grands savants qui doivent prêcher, tout le reste, ils doivent se taire. Donc ça veut dire que, ici, on peut même pas être prédicateur chez nous. Ah non, non, il faut, tu vas dire à ton épouse, non, j'ai pas le droit de te parler, va chercher une vidéo sur Uthaymin, ou alors sur Ibn Taymiyyah, un livre, ou non, j'ai pas le droit de te dire. Et, mais, bah je sors, salam alaikum, je sors sans ton autorisation. Ah, j'ai pas le droit de lui dire non. Il faut que j'attends. Et là, tu vas chercher sur internet un audio et tu vas mettre à fond, tiens, écoute, il a dit que c'était haram. Allah yidina yidik. Donc ici, il ne faut pas suivre des gens qui parlent pas avec leur cerveau, mais quelquefois, excusez-moi du terme un peu dur, mais c'est une réalité avec leurs pieds. C'est du n'importe quoi ça. Donc ici, Allah il dit dans le Coran al-Karim, qu'un anfusakum wa ahlikum nara. Le prophète Ali Sazam dit, wa balligu anni wa law aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset coranique. Walakin, on travaille avec tous les textes et on déduit à une conclusion saine, propre, pure, bonne compréhension comme il se doit, avec al-Qur'an al-Ulama, avec les paroles d'Allah et du prophète Pifam et Salaf al-Umma, nous disons, balligu anni wa law aya na'am. ولكن بفهم صحيح وبالحكمة وبالموعظة الحسنة بلغ هذه الآية كما ينبغي. Ici, ça, tu dois le faire avec bonne exhortation, avec sagesse, comme il se doit, avec une bonne compréhension. Mais tu transmets. Bien sûr que tu dois transmettre. D'accord? Donc ça, c'est l'importance de quoi? الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Il y a beaucoup de récompenses. كما جاء في الصحيح, le prophète عليه الصلاة والسلام dit par exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala il guide une personne à travers toi, une personne, par ta cause. D'accord? Car al-hidaya naw'an. Il y a deux types de guidance. Ou de guider. C'est al-hidaya, al-tawfiq et na'am. Al-irshad, yani al-tariq. Ici, c'est al-tawfiq, ça appartient khasli lillahi azza wa jal. Fayudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim. C'est-à-dire la guidance qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah azza wa jal, c'est lui qui guide. Et c'est lui qui égare. Il est guide de par sa miséricorde, bi rahmatih, et il égare, hein, avec quoi? Ah, par sa justice, bi adlihi subhanahu wa ta'ala. Si une personne a été égarée par Allah Azza wa Jal, si Allah Azza wa Jal a égaré une personne, c'est que la personne l'a mérité, il a provoqué son égarement. Si une personne est guidée, ceci dépend de, et dû à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous savons tous qu'on ne rentrera pas au paradis par la cause de nos actions, ou avec nos actions plutôt, mais on rentrera au paradis, comment? Avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal, il nous fera rentrer, incha'Allah ta'ala, au paradis. De par sa miséricorde, en prenant en compte, nos actions, bien sûr. En prenant en compte nos actions. Donc c'est pas quelqu'un qui a dit, bah, khlas, dans tous les cas, par un, on va rentrer au paradis par la miséricorde d'Allah. Donc Allah, sa miséricorde dépasse sa colère, comme le hadith rapporté par Muslim. Donc ça sert à rien que j'œuvre. Le prophète Aïssoum, il a dit, œuvrez. Il a dit aux compagnons, aux sahaba, œuvrez. I'amalou. Faites des œuvres. Allah azza wa jal a ordonné. Wa'amalou ala Daoud shukra. Allah il a ordonné dans le Coran al-Karim et œuvrez à titre de reconnaissance au vous de qui Ala Daoud, famille de Daoud. C'est un ordre d'œuvrer. Al-Amal c'est un ordre. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Sauf ceux qui ont cru et qui accomplissent des œuvres salutaires. Walakin, nous disons Allah il guide. Mais il y a la deuxième guidance, c'est-à-dire c'est toi qui montres la voie de la guidée. Ah, tu indiques simplement la voie de la guidée et les faits, c'est qui le met? C'est Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire Allah il guide ou il égare. Mais toi tu montres. Et c'est pour ça que le prophète dit, si Allah il guide à travers toi, par ta cause, une seule personne, donc toi tu n'es que la cause, ne dis pas c'est moi qui l'a guidé, abadan. Comme quand tu as de l'argent, tu dis pas cet argent ça vient de moi. Mais tu dis, j'ai été la cause, mais cet argent vient d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est pas mon argent, c'est l'argent de qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mal, malullah. L'argent c'est l'argent d'Allah Azza wa Jal. Ton corps, il appartient à Allah Azza wa Jal. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Clair? Donc, nous disons, le fait de montrer la voie de la guidée, ça c'est demandé. Et le prophète Aïssa, il dit dans un hadith al-sahih, si Allah subhanahu wa ta'ala guide à travers toi une seule personne, ceci est meilleur pour toi que les chamelles rousses. C'était les meilleurs des chamans à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, c'est comme si le prophète disait, c'est pour toi meilleur que le meilleur des bienfaits qu'il y a sur la surface de la terre. Et dans une version du hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, c'est meilleur pour toi que quoi, ad-dunya, la vie d'ici-bas, cette vie, et tout ce qu'elle contient. Et pourquoi pas? Si tu as été la cause qu'une personne soit guidée, tout ce que cette personne va faire et va enseigner à son épouse, à ses enfants, et ses enfants, ils vont enseigner à leurs petits-enfants, et à leurs petits-enfants, à leurs petits-enfants, et des descendants, et des milliards, et des millions de personnes peut-être, c'est pour toi les hasanats. Tu imagines? Tu es en train de dormir. Tu es même mort. Voilà le vrai investissement. Tu es dans ta tombe. Ici, réjouis-toi, ya Abdallah, si tu as été la cause de la guidance d'une seule personne. Ne dis pas, il faut que je guide des milliers, une seule personne, si tu l'as fait sincèrement. Si tu as été la cause. Allah, par ta cause, il a guidé une personne. Tu t'imagines, c'est pas une personne. Quelque part, c'est sûrement des milliers de personnes. Parce que cette personne va peut-être faire da'wah à une autre personne, cette personne va faire qiyam al-layl, cette personne, il va faire ceci, cette personne va se marier, il va être la cause de la guider de sa femme, ou il va aider sa femme, cette personne va avoir des enfants, il va apprendre des choses à ses enfants aux petits-enfants, arrière-petits-enfants, wahakada. Et toi, tu es dans ta tombe et le compteur de hasanat est tombé, idnillahi azza wa jal. Donc c'est pour ça, ici que le prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam, il dit que maja'a fis sahih, celui qui montre la voie, hein, qui montre une quoi? Une bonne voie. D'accord? Il a la récompense de celui qu'il a emprunté. Tu as montré une bonne action, tu as montré un bon chemin, tu as montré une bonne voie. Quelqu'un emprunte cette bonne voie, il fait la bonne action que tu as indiquée ou que tu as recommandée, tu as la même récompense que lui. Sans que cela ne diminue en rien quant à ça, récompense. Et à l'axe, l'inverse, celui qui montre une mauvaise voie, ah, tu as quoi? Tu as le péché de celui qui a commis cette mauvaise action, qui a emprunté cette mauvaise voie, sans que cela ne diminue en rien quant à ses péchés. Il garde son péché, mais toi aussi t'as le péché. Ad-dalilu ala dhalik, qala subhanahu wa ta'ala, wa la taziru waziratun wizra ukhra. Personne ne portera le fardeau d'autrui au jour de la résurrection. Mais ça ne veut pas dire que quoi? Toi, tu vas, il y a une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Dans le Coran al-Karim. D'accord? C'est quoi? On a lié entre le verset et le hadith et on dit, ça ne veut pas dire. D'accord? C'est pas parce qu'Allah azza wa jalla dit, personne ne portera le fardeau d'autrui au jour de la résurrection, que toi tu vas pas accumuler le péché. Là, est-ce que tu lui as pris son fardeau? Non. Tu as pris le même fardeau. Ah. Tu l'as pas pris son fardeau. Le fardeau, il est resté avec lui. Mais toi, t'as pris un aussi. D'accord? Il y a une différence entre prendre son fardeau, personne ne portera le fardeau d'autrui au jour de la résurrection, et ah, lui garde son fardeau, tu ne portes pas. Parce qu'Allah il a dit tu ne porteras pas son fardeau. Mais toi tu as le même fardeau sur ton dos. Tu as le même péché sur ton dos. Clair? Donc, tout ceci sont des choses extrêmement importantes. Ensuite, ici, après lui avoir ordonné d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable, qu'est-ce qu'il dit? Luqman. Wa'mur bil ma'ruf. T'as décroché. Fasbir. Il lui a ordonné de faire quoi? D'accord, il lui a ordonné de patienter. D'accord? Et ensuite il dit quoi? Inna dhalika min azmi al-umur. Donc il lui a ordonné de patienter. Et regardez bien. Là on a parlé d'une première, la première partie du verset coranique. Et je vous ai parlé dans une autre sourate. Mes souvenirs sont, c'est sourate Fussilat. Allah Azza wa Jalla, il parle pareil, il montre l'importance de ad-da'watu ila Allah Azza wa Jalla, il dit wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila as-salihah wa qala innani minal muslimin. D'accord, on est d'accord. Là, on reste dans l'importance de quoi? Ad-da'watu ila Allah. Deuxième étape. Ah, la patience, wasbir. Et regardez dans l'autre verset coranique, Allah qu'est-ce qu'il dit? Wa la tastawi al-hasanatu wa as-sayyi'ah. Allah Azza wa Jalla dit la bonne action et la mauvaise action ne sont pas comparables. Regardez, subhanallah, uslub al-Qur'an, al-Karim, le style du Coran, comment Allah Azza wa Jalla parle dans les détails. Regarde, il te prépare psychologiquement. Il te dit pas tout de suite, attention, fais ça, ou ne fais pas. Non, il te prépare. Il te rappelle, regarde. Attention, la bonne action et la mauvaise ne sont pas comparables. Alors, ulama, ils ont dit, ils te montrent que ça n'a rien à voir, il y a une grande divergence, un grand fossé entre le bien et le mal. D'accord? Donc il te rappelle, attention, fais pas le mal, mais fais le bien, car entre les deux, il y a une grande différence. Alors on avait rappelé la parole d'Allah Azza wa Jal, quand il dit, قُلْ هَلْ نُلَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Attention, ça ne suffit pas d'avoir une bonne attention, l'action, car le bien et le mal, il y a une grande différence, comme le jour et la nuit. Faire du bien et faire du mal, il y a une grande différence. Donc fais pas le mal. Attention, écarte-toi au maximum du mal. D'accord? Donc ça y est, t'as préparé. Allah, c'est comme s'il te disait, attention. Khalas. La meilleure des paroles, c'est quoi? Ad-da'watulallah azza wa jal. Mais attention, le bien et le mal, il y a une grande différence. Donc à côté, c'est comme s'il te préparait, fais pas le mal. C'est quoi le mal qu'Allah azza wa jal, il mentionne dans le verset coranique? D'abord, on reprend la première partie du verset coranique ou la deuxième partie du verset coranique de Luqman. Après, on revient en parallèle dans l'autre de Surat al-Fussilat. Allah Azza wa Jal, il monte, hikayatan an Luqman al-Hakim, que Luqman l'a ordonné de faire la prière. On a compris. D'ordonner le couvert, on a compris. D'interdire le blâme, on a compris. Ensuite, wasbir ala ma asrak. Ici, patient quant à quoi? Quant à ce qu'il va t'arriver. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui dit quelque part, assume. La récompense, elle est énorme. Il faut faire ad-da'watulallah, mais assume. Et quand on dit assume, c'est-à-dire patiente. C'est un ordre. Ici, tu dois obligatoirement patienter. Et celui qui rentre dans da'watulallah azzawajal, il se doit obligatoirement de patienter. Al-ulama, ils ont dit. Par exemple, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il mentionne dans son tafsir qu'Allah azzawajal, il ordonne de patienter. Pourquoi? Parce qu'obligatoirement, quand tu vas ordonner le convenable et interdire le blâmable, tu vas recevoir de l'aversion des gens et des paroles et des comportements qui vont te blesser énormément. Obligatoire. Ça, attends-toi à ça. Quand tu rentres dans l'amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, il y aura des comportements. Il y aura des choses qui vont te faire énormément mal. Des paroles, des comportements. Allah, il va t'éprouver. C'est comme ça. Donc toute personne qui rentre dans Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, Allah va l'éprouver dans sa da'wa. Des gens qui vont s'écarter de lui, quelquefois très peu de gens qui le suivent, Ad-Dalilu ala dhalik, ici le prophète alayhi salatu wasalam, il a dit dans un hadith authentique, au jour de la résurrection, il y aura des gens qui vont venir devant Allah subhanahu wa ta'ala avec quoi? Des prophètes. Subhanallah, c'est pas n'importe qui, c'est pas un savant, c'est un prophète. Des prophètes qui viendront, même pas une seule personne, et dans, il y a des prophètes qui viendront sans personne. Subhanallah. Juste imagine-toi un prophète qui vient avec une personne. Une personne qui l'a suivi. Une personne. C'est pas qui est venu à un cours ou de temps en temps. Non, dans tout, il y a une seule qui l'a suivi dans sa vie. Une seule personne. T'imagines? Ici, c'est pour ça que certains gens de science, ils disent, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran al-Karim, on va vous éprouver. Le verset coranique. On a nablou annakum bishayim min al-khawf. D'accord, on va vous éprouver avec quelques bishay min al khawf, de la peur, wal jour, de la faim, wanaqasi min al amwal wal anfus, et la diminution de biens et de personnes. Allah, il a dit, on va vous éprouver par un peu de peur, d'accord, et de faim, diminution de biens et de personnes. Ils ont dit diminution de personnes, c'est quoi? Ça englobe même le fait que quoi? Qu'il y a très peu de personnes qui te suivent, bien que tu détiennes la vérité. C'est une épreuve ou pas? C'est une épreuve. La preuve, le prophète qui viendra au jour de la résurrection, certains avec une seule personne, d'autres avec personne. Vous imaginez, ça c'est une épreuve. Donc ici, les gens de science ont dit ça désigne les morts, des gens qui vont décéder, diminution 1, 2 personnes, et ça désigne aussi le fait que quoi? Dans des situations, tu vas te retrouver tout seul. Comme Aïcha, radiyallahu ta'ala anha wa ardaha, qalu an Aïcha, zaniya. Ils ont dit c'est une fornicatrice ou pas? Elle s'est retournée à droite, à gauche, devant elle, derrière elle. Elle a vu tout le monde qui était contre. Allahu a'lam. Ils n'ont pas dit oui, non. Allahu a'lam. Si ce n'est certaines femmes qui ont dit non, on ne connaît que du bien de Aïcha. Regarde le prophète et dit à Rasulullah, Ya Muhammad, non, pas toi, tu me crois. Qu'est-ce qu'il a dit au prophète alayhi salatu wasalam? Il a dit quoi? Hein? J'attends la révélation. C'est pas qu'il a, il a douté sur, il peut pas se permettre, c'est un prophète. Ah, ou alladhi la yantiqu anil hawa. C'est une personne qui parlait de sa propre passion. Là, il serait presque, c'est ma femme. Comment ça vous parlez de ma femme? Ah, c'est mon honneur. Ah, un homme, c'est un homme. Vous savez, quelqu'un, il va parler, même si tu sais que par exemple, quelquefois, ta femme est en tort, t'auras toujours cet instinct de dire, ah, je défends ma femme, quand même, c'est ma femme, c'est l'honneur, c'est l'homme. Le prophète, alayhi salatu wassalam, pour une abomination qui a été dite sur sa femme. Al-adl. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَعْدِلُوا. Allah Azza wa Jalla ordonné, quand vous jugez entre les gens, soyez équitable. Allah il dit, soyez équitable même envers votre propre personne. Il a dit, j'attends la révélation. Regardez la modestie du prophète. C'est la preuve que quand le prophète parle, il ne parle que par révélation. Car si, sinon, il aurait dit, le prophète a défendu Aïcha. Il a dit, j'attends la révélation. Avec ça, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je m'en remets à Allah Azza wa Jal, comme il l'a fait. Yaqub alayhi salam, il n'a ma ashkubathi wa husni illallah. Elle s'en est remis à Allah Azza wa Jal. Et elle a patienté. Regardez, est-ce qu'il y avait du monde avec elle? Non. Est-ce que le fait qu'il y a très peu de personnes avec elle, c'est une épreuve? C'est une dure épreuve. Croyez pas que c'est que parce qu'il y a des gens qui meurent autour de vous, c'est une épreuve. Le fait que tu te retrouves tout seul, c'est une énorme épreuve et encore plus, et encore pire pour un prédicateur. Encore pire pour un prédicateur, celui qui appelle les gens vers l'islam. Mais ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il teste les personnes pour voir s'ils sont sincères ou pas. Si la personne, quand il y a des milliers de personnes, mashallah, il est bien. Et quand il y a très peu de personnes, ah, ça, ça sert à rien. Moi, je vais faire autre chose. Comme s'il faisait un commerce, il voit que ça fait pas rentrer beaucoup d'argent, il dit, ouais, change de commerce. Ça, ça prouve que son intention, c'était, dans le but de quoi? De cette action, dans le but de, d'avoir des biens d'ici bas, comme la notoriété, les éloges, l'argent, les ceci. Non, abadan. Du monde, pas du monde, toi, ton travail, c'est quoi? Ici, tu transmets. Ici, tu transmets la religion avec une intention sincère. Et ici, peut-être que tu crois qu'il n'y a pas de bien dans ta da'wah. Mais n'oublie pas que le prophète, il a dit, si Allah, à travers toi, guide une seule personne, c'est meilleur pour toi que quoi? Les chamelles rousses, c'est dans une version, on l'avait dit, et tout ce qu'elle contient. Cherche pas à avoir des quantités. Cherche la qualité. Et Allah nous rappelle plusieurs fois dans le Coran al-Karim que le plus important, c'est la qualité par la quantité. C'est connu ça. C'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, pour savoir c'est qui était le quoi? Ah, les meilleurs. Pour regarder la qualité. Ahsanu amala. Pour savoir qui est le meilleur, pour vous éprouver. Et savoir qui est le meilleur en quoi? En action, le meilleur. C'est pas aktharukum. Ici, c'est ahsanuhum. C'est les meilleurs. Donc ici, nous disons, le mieux, et ce qui nous importe le plus, c'est quoi? La qualité. Et il nous faut de la sincérité. Et pour savoir si on est sincère ou pas, il faut des épreuves. Et automatiquement, lors des épreuves, il faut de la patience. Et c'est pour ça qu'il dit, ordonne le convenable, interdit le blâmable, et patiente. D'accord? Et patiente quant à ce qui va t'arriver, c'est-à-dire, les mauvaises paroles, les mauvaises langues, les mauvais comportements, ahlul fitan, les gens qui vont faire la fitna, qui vont essayer de casser ta da'wah, alladhina yasudduna an sabilillah, ceux qui vont obstruer le sentier d'Allah Azza wa Jal. Car ça, c'est impératif. C'est obligatoire. Il y a maintenant des gens qui font rire. Ils disent, moi je suis un prédicateur, mais je veux pas de problème. Nous lui disons, si tu es un vrai prédicateur, sincère, même si tu te retrouves seul dans un désert où il n'y a que du sable, t'inquiète pas qu'Allah Azza wa Jal fera qu'il y a des gens qui vont te causer des problèmes. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Ad-dalilu ala dhalik, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, waj'alna ba'dakum ba'din fitna atasbirun. On va faire, ou on a fait, de certains d'entre vous, une fitna. C'est quoi une fitna? Quel type d'épreuve? Une mauvaise épreuve. Une fitna, une mauvaise épreuve pour d'autres. Vous suivez bien, c'est Allah Azza wa Jal qui dit. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ بَعْضٍ فِتْنَا أَتَصْبِرُونَ لِبَعْضٍ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَا لِبَعْضٍ لَمْ لِبَعْضٍ فِتْنَا أَتَصْبِرُونَ. Et on a fait de certains d'entre vous une épreuve, une mauvaise épreuve pour d'autres. Et Allah Azza wa Jal dit, est-ce que vous allez être patient? Est-ce que vous allez endurer? Donc Allah, il nous rappelle que c'est comme ça. C'est clair. Allah, il a décidé. Allah, il va faire qu'il y a des gens qui vont venir te rendre fou. Il y a des gens qui vont te perturber. Il y a des gens qui vont te déranger. Il y a des gens qui vont faire tout. Pourquoi? Pour casser ta da'wah. Il y a des gens qui vont faire tout pour te faire du mal. Que tu sois un grand prédicateur ou pas. Que tu sois. C'est pour ça qu'on a souvent des problèmes avec qui? Avec qui? Avec les gens. Avec les gens. Et surtout avec les gens proches. Et pourquoi? Et pourquoi? Et comment dire le contraire? Alors combien se plaignent des problèmes qui sont des problèmes? Des problèmes de quoi? Des problèmes de famille. Allah, il a dit. Donc, les gens, ça va être, Allah, il va faire qu'il y a des gens, ils vont être une fitna pour toi. Donc, nous, on côtoie qui? Des gens. Et plus tu vas côtoyer des personnes, plus il y a des chances que parmi ces personnes que tu côtoies, il y aura des gens qui vont te faire des fitnas. Et comme, en général, il y a beaucoup de problèmes de famille, c'est parce qu'il y a, on côtoie beaucoup les familles. Famille, père, famille, ceci, cela. Donc, ici, Allah Azza wa Jalla dit, atasbirun. Ah, il nous rappelle. Passons. Le principal, c'est quoi? Ta'alaqa, ton lien entre toi et Allah Azza wa Jalla. Toi, t'as pas fait d'erreur. Lui, il entend. Khlas, prends sur toi. On est d'accord? Prends sur toi, suis bien. Parce que tu es obligé. Quand tu entres dans le convenable, tu interdis le blâmable. Tu dois obligatoirement patienter. Et tu dois patienter face à quoi? Face à wasbir ala ma asaba, avec ce que les gens vont te faire, c'est-à-dire les mauvaises paroles, les mauvaises langues, le fait de te casser de da'wa. Tu dois patienter avec eux, car Allah Azza wa Jal te l'a dit dans le Coran al-Karim et dans un autre verset. Ah, on repart dans surat Fussilat. Allah Azza wa Jal dit wa la tastawi al-hasanatu wa la sayyi'atu idfa' billati hiya ahsan. Ah, il te rappelle aussi. Khalas. Regardez, c'est comme si on voit le complément d'un verset coranique avec un autre verset coranique. Khalas. Donc patient à ce qui va t'arriver. Les gens vont te faire du mal, mais tu dois ordonner le bien et interdire le mal. Mais avec ça, tu devras patienter, parce que les gens, ils vont te faire du mal. Les gens, ils vont te porter préjudice. Les gens seront une fitna, car Allah, dans un verset coranique, il a dit وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَا أَتَصْبِرُونَ. Regardez, un verset explique un autre verset, explique un autre verset, et tous ces versets coraniques, tu as une bonne compréhension. Parce qu'Allah, il t'a dit patience. Ce qu'ils vont te dire, c'est-à-dire qui? Les gens. Pourquoi les gens? Allah, il a dit, on va faire de certains d'entre vous une fitna pour d'autres. Mais comment je patiente? Ils me font du mal. Allah Azza wa Jalla, dans notre verset coranique où il parle de da'wah, qu'est-ce qu'il dit? Idfa' billati hiya ahsan. Repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur. Fa'idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Ici, Allah Azza wa Jalla dit repousse le mal parce qu'il y a de meilleur. Subhanallah. Il dit pas parce qu'il y a de meilleur. Et ici, ensuite, il dit, et à ce moment-là, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً. Ah, et tu vas voir celui avec qui tu as ici عَدَاوَةً, une animosité. Il y a une animosité entre toi et lui. Cette personne-là va devenir tel un ami chaleureux. وَمَا يُلَقَّهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Ah, mais qui va atteindre ce stade-là? Qui va atteindre ce stade-là? Seulement ceux qui se sont armés de quoi? As-sabr. Donc, regardez, les versets coraniques se rejoignent. Ici, as-sabr, la patience. Ceux-là vont réussir à réagir comme ça, qui ont une bonne compréhension, d'accord, de cette religion et de ce qu'on appelle ad-da'watu ila Allah azza wa jalla, al-amru bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkar. Faut bien comprendre dans les détails. À ce moment-là, tu vas voir l'importance. Comment réagir? Quand réagir? De quelle manière réagir? Donc ici, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Allah Azza wa Jalla dit, ce sont ceux qui ont de la patience, d'accord? Et aussi, ceux qui sont possesseurs d'une grâce infinie. Ceux-là pourront réagir de cette manière-là. Écoute bien ce qu'Allah Azza wa Jalla dit. D'accord, khalas, je prends sur moi. Je sais qu'il faut répondre au mal par le bien. Non, parce qu'il y a de meilleur. On a compris. On récapitule et on termine ici. Al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Al-ma'ruf, on a dit c'était quoi? Al-munkar, on a expliqué c'était quoi? De quelle manière? Bil hikmati wal maw'idati al-hasana. Pour avoir la hikma, il faut quoi? Al-'ilm, al-'ilm al-shar'i. D'accord? Al-fahm, fahm sahih, compréhension bonne, claire, avec douceur, rifq. Quelquefois la dureté, ça fait partie de quoi? Al-hikma, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'avait. Mais quand tu vas faire al-amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, il dit à Luqman quoi? Wasbir, patient. Patiente quant à ce qui va t'arriver. Al-ulama, ils ont dit parmi Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, c'est-à-dire les mauvaises paroles, les gens qui vont te faire du mal, les gens qui vont t'obstruer le chemin, car tu auras de l'aversion obligatoirement. Donc à ce moment-là, tu devras patienter. Et pourquoi les gens te feront du mal? Car Allah l'a décrété. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَا أَتَصْبِرُونَ. Et on a fait de certains d'entre vous une épreuve, c'est-à-dire fitna, une mauvaise épreuve pour d'autres, est-ce que vous allez patienter? Donc tu dois patienter avec les gens. Clair? À côté, Allah subhanahu wa ta'ala, il te rappelle de quelle manière patienter, comment réagir face au mal, parce qu'ils vont te faire du mal. Allah azza wa jalla dit, et de faire billati hiya ahsan. D'accord? Repousse le mal parce qu'il y a de meilleur. Et le résultat, c'est quoi le fruit, ya Rabbi? Tu verras celui qui avait de la minimosité envers toi devenir tel un ami chaleureux. Mais seuls ceux qui ont quoi la patience et qui sont possesseurs dotés d'une grâce infinie pourront réagir comme ça. Et à ce moment-là, Allah azza wa jalla t'aide. Et il te dit dans le Coran al-Karim, comment réagir face à qui? À ces shayatin. À ces shayatin, al-ins wal-jin. Comme Allah le mentionne dans le Coran al-Karim, shayatin, il y a les shayatin jin et al-ins, c'est-à-dire humains. Donc ceux qui te font du mal, ceux qui veulent te faire du mal, Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, le rappelle et d'autres gens de science. Allah azza wa jalla tout de suite après, il rappelle dans le Coran al-Karim, il dit, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Ensuite, Allah azza wa jalla te donne une solution aussi. Et il te rappelle de quoi? فاستعذ بالله. الاستعاذة c'est augmente la protection auprès d'Allah عز وجل contre qui? On a parlé de qui? الشياطين, c'est-à-dire contre الشيطان. Dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah عز وجل dit si jamais le diable t'incite, c'est-à-dire à agir autrement, c'est-à-dire à te laisser emporter face aux provocations de ces gens-là, face à l'animosité de ces gens-là, face aux choses mauvaises que tu vas rencontrer. Ah, Shaitan il t'incite à agir autrement. Fasta'id billah. Ji'a'udhu billahi minash shaitani rajim. Donc, sache que ça vient de Shaitan. Et que la voie de la droiture, l'istiqama, ici elle est claire, elle a été mentionnée par Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire, idfa'a billati hiya ahsan. Repousse le mal par ce qu'il y a de meilleur. Billahi alaykum, un simple exemple et on termine ici. Imagine-toi. Toi, tu parles sur une personne, de jour comme de nuit. Tu détestes une personne. Tu lui veux même du mal à une personne. D'accord, je ne vais pas donner le cas inverse pour que tu comprennes bien. Mets-toi à la place du méchant et du mauvais. Et un jour, tu vois cette personne qui vient vers toi et qui te dit, tiens mon frère, cette personne que tu détestes, que tu calomnies, à qui tu fais du mal, tiens mon frère. Tu dis, c'est quoi? Tiens, c'est un cadeau, Allah. C'est très important en islam. Là, je sais pas, je fais des cadeaux quelquefois. Offrez-vous des présents. Allah, par cette cause, va mettre l'amour entre vous. Tiens, un cadeau. Comment tu vas réagir? Étonné. Étonné. Tu vas fondre. Tu vas pas dormir. C'est vrai ou pas? Idfa' billati hiya ahsan. Fa'idha alladhi baynaka wa baynahu adawa ka'annahu waliyun hamim. C'est ça. C'est pas que tu vas répondre au mal par le mal. Pas au mal par le mal. Au mal parce qu'il y a de meilleur. Donc tu imagines, si toi, tu réagis de telle manière envers les gens qui te font du mal, comment vont devenir ces personnes-là, telles des amis? Chaleureux. Sadaqa subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.